c'est fou dans vos oreilles. 80. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi ?» Et dans le poste d'écoute, on écoute le nouvel album de la formation québécoise Harpin Fury. Assemblage requis, ça commence maintenant. Est-ce que c'est tombé dans l'œil, François? C'est ça l'affaire. Ouais, exactement. Vraiment. Je te fais de l'effet. Oui. Est-ce que tu veux que je te souffle dans l'œil? Non. Non, t'as un poil, hein? Non, j'avais une croûte. Croûte de sommeil. Ce qu'on appelle un Ice Krispies. Un Ice Krispies. L'Ice Krispies. Ouais. Bienvenue à Assemblage Rocky, c'est l'émission matinale en pièces détachées en ce mardi 1er mars 2011. On est en direct des studios à Trois-Rivières et moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour, Mathieu Plante. De C'est fou, évidemment. Oui. À Trois-Rivières. Oui. Ici. À l'UQTR. Right here. Right here, right now. Right here, right now. C'est exactement ça. À l'émission aujourd'hui, on a Émilie Gauthier avec sa chronique « Plein air, veux-tu sortir avec moi? » Elle nous parle encore d'un paquet d'endroits à visiter pendant votre semaine de relâche. La largeur des sentiers. Oui, surtout la longueur, je te dirais. Elle va nous parler du parc de Lanceau-Port, du parc de la rivière Gentilly, du parc linéaire, le petit échaillon Barolet-Périville, du parc de la rivière Bourbon et du boisé du séminaire. Oh, beaucoup d'endroits. Hein? Beaucoup d'endroits, beaucoup de rives sud. Ouais. On dirait. Mm-hmm. J'ai hâte de recevoir Émilie. Moi aussi, c'est vers les 8 heures tout à l'heure. Sinon quoi? Mathieu, tu sais qu'on est sucré. Oui. Sweet. Sweet. Oui. Bon, ben, on va avoir des bonbons à faire tirer ce matin. Oh! Un emballage cadeau. Grâce à qui, ça? Grâce au bonbon Alan. Alan! Ben, c'est merveilleux, ça. Oui, c'est formidable ce matin, donc ça va être à suivre. Je vous dis pas l'heure, écoutez l'émission. Ben exactement, jusqu'à la fin. Au pire, on va peut-être faire languir jusqu'à 9h-2, on sait pas. Peut-être pas non plus, bon point. Alors, on va voir une chronique, c'est un fait. Évidemment, d'ici la fin de l'émission, on va parler entre autres d'un jongleur à un bras. Hein, et oui, je sais. Et aussi du film de Social Network. Il y avait des jumeaux dans ce film-là, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'avais pas vu. Hein. Non, pas encore. Très pas à jour là-dessus, moi, le cinéma. N'arrête pas d'en parler, mais personne ne l'a vu. C'est vrai. Ben, les Oscars, en général, c'est un peu ça. Hein? Ouais. C'est un peu ça. Mais non, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont vu de Social Network. Pas mal plus de gens qui ont vu de Social Network que de King's Speech, je pense. King's Speech? Le discours du roi, le grand gagnant. Pas mal sûr qu'il y a plus de gens qui ont vu le réseau social. Ça se peut. Le discours du roi, il doit être encore au cinéma, par exemple? Je crois que oui. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi le poste d'écoute? Hein? La formation Harvey, formation montréalaise, ou au moins l'album a été enregistré à Montréal. Il s'appelle Fury. On va écouter ça tout à l'heure dans le poste d'écoute. Mais avant, on débute l'émission avec Karim Ouellet. Voici Météor. Assemblage requis au 89 FM, c'est fou! Jusqu'à 9h. Te rends jamais pris d'avance demain.

La pièce Year Spring de Hey Rosetta à Assemblage Requis. C'est sur le palmarès anglophone, palmarès qui est diffusé les jeudis entre 14h et 17h. Il se met assez fou. Et Hey Rosetta, c'est une nouvelle entrée. Et Colin, que c'est bon. Ouais, c'est très bon. Wow! Eh ben! Maintenant, c'est l'heure de découvrir d'autres choses qui pourraient potentiellement être bonnes et potentiellement finir sur le palmarès. Voici le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Oui, beaucoup trop longue l'intro, je le sais. Le poste d'écoute Assemblage Requis, à chaque fois qu'on se rencontre dans cette chronique-là, on choisit un album au hasard parmi les nouveautés reçues à la station depuis les dernières semaines. Et souvent, c'est des albums qu'on me suggère, donc qui pourraient être bons potentiellement pour l'émission. Ils ont passé le premier test. Exactement. Hier, on avait écouté un petit peu de Megaphonic Thrift et j'avais beaucoup aimé la première pièce, The Undertow. Donc, on va essayer d'écouter une deuxième pièce de ça tout de suite. C'est Candy Sin, c'est leur premier extrait qu'eux veulent qu'on entende. Donc, Candy Sin de The Megaphonic Thrift. Sur l'album DK Decoy à Assemblage Requis. Sur C'est Fou, 89.fm. suis pas certain si j'aurais choisi cette chanson-là comme simple. Comme single, pas sûr. C'est embêtant. Ouais. J'aime bien la première pièce qu'on a entendue hier de The Megaphonic Thrift, que vous pouvez entendre sur leur MySpace ou myspace.com/Megaphonic Thrift. Celle-là était bonne aussi, mais très différente, très particulière, je trouve, comme, comme pièce. C'est Candy Sin sur leur album DK Decoy. Tu trouves la même chose? Oh oui, oui, tout à fait. Ça réveille mal peut-être le matin en plein milieu de la pièce. Où, ouais. Désolé pour ceux qui mettent leur cadran à 7h30 et sur le 89.1 FM. Ouais. Ça arrive, des choses comme ça, mais c'est pas mal moins pire que ce qui peut vous varger dans les oreilles à d'autres stations. Tout à fait. Enfin, bref. The Megaphonic Thrift, comme je le disais, c'est très, très bon. Et puis, vous pouvez aller voir leur page sur Facebook aussi pour entendre des extraits et devenir fan de ce groupe. Voilà pour ça, on va passer en pause, on va revenir juste après avec la suite du poste d'écoute et l'album Fury de Harvey. C'est là. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage Requis. Oui, toujours Assemblage Requis avec François-Olivier Mathieu Plante. Pourquoi je dis tout à François-Olivier Mathieu Plante? On dirait qu'il comme il manque un « et » quelque part là-dedans. Et, « et ». Ben, c'est sûr qu'on est tellement tout le temps ensemble le matin que c'est comme Brangelina. Comme qui? Brangelina. C'est comme Brad et Angelina. Tu enlèves une syllabe, tu fais Brangelina. Nous autres, c'est François-Olivier Mathieu Plante. François-Olivier. François-Olivier Mathieu Blanc, c'est ça? C'est ça. C'est nous. It's us. C'est on. C'est on. C'est on. Une chance qu'on ça. Comme on dit. Oh! Ça passe mal ce matin. Pas mal, hein? T'es le burrito matin. Yeah, ouais. Ça peut être pas si pire, ça. Ouais, pas pire. On était dans le bloc poste d'écoute. J'ai comme de me donner envie pour un burrito matin, moi, là. C'est comme ça. Égal. Je vais y passer pour le reste de la journée. Toujours dans le poste d'écoute où on vous présente des albums, des nouveautés qui sont arrivées à la station depuis les dernières semaines. On nous a conseillé l'album de Harvey, une formation qui a enregistré au moins l'album à Montréal, l'album Fury. Et ça a l'air très, très bon. En tout cas, la pochette est d'un genre particulier. Comment tu me décrirais ça? Une fille égyptienne, presque? Ou, ouais, qui ressemble à Marie... Si on veut, non? À Marie dans les histoires des pays d'en haut. Ah oui, oui, oui. Ben, c'est ça, les belles histoires des pays d'en haut. À l'intérieur, on voit une photo du groupe avec Fury écrit dans, disons, dans le miroir, sur un tableau blanc. Sur un tableau blanc, au marqueur. C'est joli. C'est coloré, c'est jaune et rouge. Ouais. Pourquoi pas? On va commencer par la pièce numéro 1, comme on aime le faire dans le poste d'écoute. Voici échelle numéro 9 dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Notre verdict après. Et après une seule écoute aussi, donc ça vaut pas grand-chose. Mais bon. décroche le poste d'écoute. Formation Harvey et la pièce Je divague au 89 FM. C'est le bloc et le poste d'écoute d'assemblage requis. C'est très très bon ça, Harvey. Je suis juste désolé de voir que c'est dans classé dans l'anglophone. Donc je suis pas sûr que ça va jouer très très beaucoup. C'est fou. Les deux pièces qu'on a entendues avaient du francophone dedans. La première chantait moitié anglais, moitié français. Mais bref, je suis sûr que si c'était dans le francophone, ça jouerait beaucoup plus. C'est fou, c'est malheureux. Et sur l'album, tu disais qu'il y avait des pièces avec le titre anglophone? Oui, il y a plusieurs titres anglophones et plusieurs titres francophones. Je te nomme des franco, Fantôme de nuit, bon, je dis vague, comme on disait, Échelle numéro 9 qu'on a fait jouer. Le reste, c'est pas mal tout en anglais. Mais je sais pas si ça chante en français. Faudrait écouter l'album au complet. Que peut-être que je devrais faire, d'ailleurs. Une note sur 10 de Mathieu Plante? J'ai aucune idée. Je note pas un album après l'avoir écouté seulement une seule fois. Non, d'habitude, même après une première écoute, même les albums que j'adore aujourd'hui, je les ai détestés à la première écoute. Ah, oh, vrai? Pas mal toujours. Donc, le poste d'écoute est pas nécessairement mon bloc le plus préféré pour donner de la critique. T'sais. Je fais plus jouer de la musique et j'espère que les gens se font une petite idée de ça. Vous pouvez aller voir sur harvey.com, harvee.com pour écouter la pièce Je divague et apprendre les dates de spectacle. Par exemple, ils vont être le 21 mars à Montréal au Lion d'Or. Ils vont jouer au Francouverte, donc 26 mars à Rouen et puis en avril en performance à CISM en direct à la radio universitaire là-bas à Montréal. Il y a aussi myspace.com/harveyband pour en savoir plus sur ce groupe qui dit qu'ils viennent de Valleyfield. Voilà. Ah, Valleyfield. Émilie les connaît peut-être, hein, tu sais, quand tu dis que quelqu'un connaît quelqu'un qui vient du coin où tu vis. Ah, elle vient de là? Melocheville, c'est près de Valleyfield, si je m'en rappelle bien. Je dis peut-être n'importe quoi. Émilie, pardonne-moi si c'est le cas. Ah, ben, c'est tout pour le poste d'écoute. François, verdict, Harvey, on aime? J'ai aimé ça. Ouais. Je m'achèterais peut-être pas l'album. Non. Mais ça s'écoute bien. Je pense que ça va rejouer ici assez fou. Oui, oui, oui. Palmarès, peut-être, ça pourrait être une bonne idée. Donc, oui, c'était bon. C'était bon. Je m'achèterais pas l'album, mais j'aimais ça. D'accord avec toi, François. Bien d'accord. Merci, Mathieu. Qu'est-ce que t'en dis si on arrête de passer de la musique quelques temps, juste un petit peu? OK, ben oui. Et qu'à la place de passer de la musique, on passe... Des faits? Des faits. Hey, c'est comme si tu me disais dans mes pensées, François, comment tu fais ça? Hey, je sais pas. Ah, c'est sincèrement, comme... je sais pas. C'est comme si on faisait ça tous les jours à peu près dans le même coin, là. C'est le moment de la chronique, c'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. François va m'aider à trier à travers ces informations et me dire si c'est intéressant ou pas. Allons-y. Sois pas trop, trop sec au bout de ce qu'il y a avec moi. Je suis jamais prêt. Non, ben non, je sais. C'est ce que je disais hier, d'ailleurs. C'était pas assez... Au lit. Mais non. Au lit. Okay. Il fallait que tu le précises. Ouais, ben il fallait. Commençons par le premier film. Le premier film qui a été copyrighté, si on veut, qui a reçu un droit d'auteur, voilà, aux États-Unis. C'était un film d'un homme en train d'éternuer. C'est un film qui dure 5 secondes. Ça a été produit par nul autre que Thomas Edison lui-même. Le film s'appelle Fred Ott's Sneeze or Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze. Voilà. C'est donc l'assistant de Thomas Edison, Fred Ott, qui prend quelque chose, qui le met dans son nez, je sais pas trop quoi, puis il éternue. Voilà. Le film a été produit dans le premier studio cinématographique des États-Unis. C'est le Black Maria Studio à West Orange, au New Jersey. Tel que le nom du film l'implique, si on veut. Le film a été filmé sur Kinetoscope, un appareil que Edison avait breveté précédemment. Il n'y a pas grand chose dans ce film-là. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de couleur, évidemment, parce que c'est en noir et blanc. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas grand chose. C'est ça. Il y a juste un seul acteur, une seule prise et une seule scène. Il y a juste une affaire de chaque. Ah. Bon. Mais c'est pas si pire. Ouais. Vous pouvez voir la vidéo. En fait, vous pouvez en lire plus sur le film et aller voir la page IMDb du film sur assemblagerequis.com. Il y a le lien en ce moment. Je ne sais pas s'il y a le film en tant que tel. J'ai pas été voir. Désolé. Sûrement, ça doit pas être très, très long. Non, c'est ça. Ben, YouTube est fait pour des films de 5 secondes, en fait. Ouais. S'il y a des petits chats qui peuvent se... qui peuvent rire quand il est chatouillé sur le ventre, ils peuvent bien avoir posté le premier film du monde. Les boissons gazeuses, François, les liqueurs... affaiblissent les os. Oh ouais. Ouais. Ça réduit la force des os de plusieurs façons différentes. Donc, les bulles d'une boisson gazeuse sont souvent créées par de l'acide phosphorique qui augmente la fréquence avec laquelle le calcium est déchargé du corps dans l'urine. Donc, le calcium qui serait utilisé normalement pour améliorer la force des os est rejeté par le pupille. Une autre façon que la liqueur peut diminuer la force des os n'est pas aussi intuitive que ça, que le pipi, évidemment. En choisissant de boire du Pepsi, les gens soulagent leur soif sans avoir la nutrition qu'ils pourraient avoir s'ils buvaient du lait ou du jus. Je pense que ça, c'est évident. Ou de l'eau. Ou de l'eau. Ben oui, de l'eau, c'est bien pour d'autres choses, mais je pense pas que c'est aussi nutritif. Je suis pas sûr. C'est bon. Pas sûr. Ça dit que la liqueur, c'est non seulement mauvais pour les os, mais aussi c'est mauvais pour les dents parce que les niveaux de pH dans la plupart de ces boissons gazeuses, le niveau de pH est plus élevé que dans des plus acides. Donc, ça pourrait, comment dire, briser votre émail. Enfin, votre émail. Très juste. Voilà. Justin Bieber, tu connais Justin Bieber? Ouais. Justin Bieber. Hey, mais quand tu l'appelles Justin Bieber, on dirait que je sais pas de qui. C'est ma façon, c'est mon petit nom. Son tout cas te mérite ça, c'est, je trouve. Mais il n'y en a plus de toupette, c'est ça l'affaire. Ah, je ne sais pas. Mais non, il n'y en a plus de toupette. On disait, il y avait des rumeurs sur Internet qui circulaient que Justin Bieber avait perdu 80 000 suiveurs sur Twitter. Non. Je suis mes termes, c'est des followers sur Twitter, mais moi j'appelle ça des suiveurs sur Twitter. Hein? Twitter. Après avoir coupé ses cheveux. Mais c'est faux! Voilà. C'est faux. On a vérifié sur le site twitterholic.com / Justin Bieber. Et Justin Bieber a gagné 40 000 suiveurs le lendemain qu'il s'est fait couper les cheveux. Il a gagné 120 000 personnes dans les 4 jours qui ont suivi sa nouvelle coiffure, ou au moins son tweet, son message sur Twitter disant qu'il avait changé ses cheveux. Donc, sa publicité a bien payé, si on veut. Et même que ses cheveux ont été mis sur eBay. Et l'argent va aller à la charité. Hein, à une bonne cause. Est-ce qu'on peut savoir le chiffre exact? Parce que ça disait 12 000 $ en date de... Je me rappelle plus trop quand. C'est rendu à... Ah, c'est encore à 12 500 $ les cheveux de Justin Bieber qu'il a coupé pour l'émission de Ellen DeGeneres à la télé. Les gens sont fous. Absolument. Est-ce que tu as vu la vidéo de Justin Bieber en train de se faire tirer à CSI? Non. C'est revoir dans l'article sur assemblagerequis.com, il y a une vidéo de lui en train de se faire tirer. C'est un grand moment de télé, ça. Parce qu'il est acteur, le gars, là, ah, Justin. Ouais. Là. Oui, est-tu bon? Ah oui, Colin. C'est super crédible, le gars en train de se faire tirer. Je trouve que c'est vraiment très crédible. Savais-tu que le corps mort de Charlie Chaplin a été creusé et ils ont demandé une rançon pendant 2 mois? Tenu en rançon, si on veut. Oh, c'est une drôle d'histoire, mais ça a été vérifié par Snopes et c'est donc tout à fait vrai, parce qu'eux, ils sont très, très forts sur la recherche. Chaplin est mort le jour de Noël en 1977 à l'âge de 88 ans. Ça ne voulait pas dire qu'il allait reposer en paix, par contre. En tout cas, pas tout de suite, parce que 9 semaines après son enterrement, une paire d'hommes européens de l'Est ont creusé son cercueil. Ils l'ont caché dans un trou environ 10 000 de là. Les hommes ensuite ont appelé la famille de Charlie Chaplin pour demander une rançon de 600 000 $. La femme de Chaplin a refusé de leur donner, mais elle a continué quand même de jaser avec eux, de bargainer, de faire des efforts pour que la police puisse retracer l'appel. C'est ce qu'il faut faire apparemment dans ce genre de situation-là. Continue de parler, comme ça la police peut tracer l'appel. La personne qui appelait et qui demandait la rançon était un mécanicien polonais et éventuellement il s'est fait attraper. Un téléphone payant et la police a retrouvé le corps de Charlie Chaplin plus tard. Les deux criminels ont été mis en prison pendant 7 ans et demi pour extorsion et pour avoir dérangé la paix d'une personne morte. Oh boy. Et Colin. Boy, comme tu dis. Oh boy. Billy boy. Billy boy. Un jongleur champion du monde n'a qu'un seul bras. Non, c'est lui marchand. C'est vrai. Casey Boomer ou Bamer. Est né dans une grande famille de jongleurs, en fait la plus grande famille du pays. La plus grande famille de jongleurs du pays. Les Boomer Family Jugglers. Il est né sans avant-bras gauche, mais Boomer a réussi à surpasser ça, à passer par-dessus ça. Il est devenu un jongleur de classe mondiale. Boomer a appris à jongler avec ses parents et ses 10 frères et sœurs. Et à l'âge de 21 ans, il est un virtuose gagnant de prix. Et vous pouvez aller voir des vidéos sur assemblagerequis.com, évidemment. A world champion juggler has only one arm. C'est assez exceptionnel, ça. C'est quand même dur de jongler. On a de la misère à jongler avec 2 balles. Oh, ouais. Moi, une balle, ça peut aller, par contre. Ça, je dois avouer que je suis pas pire. T'sais. Moi, je suis capable 3 avec une main. Non. Mais c'est tout. Non. C'est trop. Mais c'est très facile. Tu serais capable, Mathieu. Ne sous-estime pas mon manque de talent. Je suis certain que tu serais capable. D'accord. Ben, t'es fin de croire en moi, c'est bien. Moi, je crois en ce garçon-là. Ce garçon-là qui est né sans cérébellum. C'est quoi? Je te l'explique. Très bonne question. Un enfant de 3 ans, Chase Britton, est un... je vais retirer le mot miracle hein, pour le remplacer par un mot en lequel je crois. Est un phénomène médical, voilà. Il est né sans cérébellum, qui est la partie du cerveau qui s'occupe de l'équilibre, des capacités moteurs et des émotions. Il n'a aussi pas de ce qu'on appelle un pons. Mettons, P-O-N-S, là, qui est la structure du cerveau qui permet de... Ben, en fait, qui contrôle la respiration et le sommeil. Ses docteurs disaient que marcher serait impossible pour lui parce que, dans le fond, il a pas mal dans le cerveau, pas mal la même chose qu'un légume. Ah. C'est ce que l'article dit. Vegetable. Je ne mets pas de mots, c'est l'article qui me dit ça. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, il est capable de faire bien les choses. Marcher, se promener en vélo, utiliser des ciseaux et écrire avec un crayon. Écrire avec un crayon sans cérébellum. Eh bien, il faut aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com, comme toujours. C'est « A boy born without a cerebellum ». Hein? Faut connaître l'anglais pour les comprendre les articles. Hein? Ouais. Ou cliquez sur n'importe quoi, vous allez tomber dessus. Je vais quand même pas me mettre à traduire les textes. Là. Non. OK, là, je dois commencer à choisir. Là. Il commence à prendre du temps, ça. Les jumeaux du film Le Réseau Social, de Social Network. T'as pas vu ce film de ton nom? Non, je n'ai pas encore vu. Non, on n'est pas encore si chanceux que ça. Les jumeaux dans ce film-là sont joués par un seul et même acteur. Ben non. Ben je sais. Dans des films, dans des séries télé, c'est même commun que 2 acteurs, des jumeaux, jouent un seul rôle. Parce que les lois aux États-Unis permettent pas aux enfants de travailler plus qu'un certain nombre d'heures. Donc à un moment donné, ils changent pour le jumeau, puis tout le monde est content. Ici, dans un film où tu dois avoir des jumeaux, c'est un seul acteur. Ouais, hein? T'es pas capable d'être un acteur et un jumeau, là. C'est ça? Bizarre, ça. Bizarre. Donc c'est Armie Hammer. Le gars, il s'appelle Armie Hammer. Hein? Ça, c'est un nom de super-héros. Hein? Armie Hammer. Peut-être le fils de MC Hammer. Ah, peut-être. It's Hammer Time. 24 ans, donc, qui jouait le rôle de Tyler Winklevoss et de Cameron Winklevoss. Hein? Plusieurs ont applaudi sa performance, qui est 2 fois plus de talent d'acteur, hein? Parce qu'il faut que tu joues 2 rôles. Il s'est même pas fait nominer pour meilleur acteur de soutien aux Oscars, même pas. Même si The Social Network a eu plein comme, de prix, de nominations. Je sais pas s'ils ont gagné tant que ça, mais ils ont été nominés plein de fois. Non, pas de Winklevoss. Pauvre petit garçon. Pour Armie Hammer. Armie Hammer. Ils font du désodorisant, ça. Ouais, ils font plein d'affaires, ça. Ils sont forts. Ils sont forts. Très, très forts. Wow. Wow! Et puis, ben, c'est ça. Je pense que le reste, on va les attendre pour demain. À moins que je t'en avais promis un autre. Est-ce que je t'en avais promis un autre? Ben je oui. penserais pas que... Oh, oui, oui, tu m'en avais promis un autre. Est-ce que t'en avais un dernier? Oui. Savais-tu qu'il y a un pesticide très, très commun qui peut faire que des grenouilles mâles peuvent sortir des œufs de leur... Fouing! Des œufs. Attends, attends. Un pesticide... Très commun. OK. Qui fait que les grenouilles masculines sortent des œufs de leur... Pouit, pouit, pouit, pouit. Oh, ouais. Ouais, ben c'est bizarre. Hein? C'est des recherches récentes qui ont montré que le trazine ou l'atrazine, hein, j'ai pas été voir si c'était masculin ou féminin, qui est utilisé pour tuer des insectes dans plusieurs champs américains, peuvent non seulement donner aux grenouilles masculines des caractéristiques femelles, mais ça peut aussi les rendre complètement femelles. Complètement oh, ouais. femelles. De même, là. Fouing, femelles. C'est connu, ça interfère avec les systèmes reproductifs des animaux. L'atrazine a été bannie à l'intérieur de l'Union européenne depuis les 7 dernières années. La recherche existante montrait que ça peut réduire le niveau de testostérone et la production de sperme chez les grenouilles mâles. Et ça peut même causer qu'ils deviennent attirés par les autres mâles. Mais le potentiel pour une transformation sexuelle complète est une nouvelle découverte. Et ça pourrait expliquer une population mondiale qui... une population descendante, déclinante, comment on dit, qui descend de moins en moins chez les amphibiens. Avec ces développements-là, l'Environment... Pardon, on va commencer ça en anglais, voilà. The Environmental Protection Agency. Environmental Protection Agency. Au troisième coup, je l'ai eu pas si pire, je trouve. annoncé récemment qu'ils vont repenser à leur... qu'ils vont réévaluer l'atrazine pour voir si peut-être qu'ils vont retirer ça. Hein? Je pense que ce serait une bonne affaire. Pas pire, je pense, hein? Ouais. Et voilà pour C'est un fait aujourd'hui, François. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. C'était très bon. Ben, qu'un! Hein? C'est pas mieux que des pattes de grenouilles dans du beurre. Ouais, faut faire attention, par exemple, où est-ce que les grenouilles ont été pris. Ouais, ouais, ouais. Et s'il y avait bel et bien de la trazine dans le champ. Miam, une grenouille à la trazine. C'est pas ça. Pas tout à fait. C'est la fin de l'assemblage requis pour la première heure. Il nous en reste une deuxième tout à l'heure. On va avoir Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Il nous parle de plein d'endroits où sortir pendant votre semaine de relâche. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Un concours? Concours! Concours! It's Conkers! C'est Noël. Oui, it's Noël. On fait tirer des bonbons. We giving away the bonbons! Oui, oui, oui, oui. C'est une campagne promotionnelle pour Bigfoot. Donc, hein? Un peu plus tard dans l'émission. Oh, oh, j'ai hâte de rester avec nous, cet assemblage requis. C'est fou. 80. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Est-ce qu'on vous l'a dit qu'Assemblage requis était présenté par le service aux étudiants de l'UQTR et puis la Banque nationale? Ça, je pense que ça a été dit. Non, je ne sais pas. Banque nationale, un. OK. Et le service aux étudiants de l'UQTR. Deux. Deux. Ça fait deux commanditaires pour une seule et même émission. Qui est? Assemblage requis, deux mots. Et deux animateurs, François-Louis Marchand et Mathieu Plante, mais ça, c'est trois prénoms. C'est vrai. Ça devient mêlant. Deux noms de famille. Deux noms de famille. Ben, Toussignan Plante, moi, ça en fait un troisième. Ah, donc, à un moment donné, on s'équivaut là-dedans. Hein? Ouais. Hey, on entend Bio Bazar. Voici Moon Queen. We'll be right back. Danny Janvier, Bio Bazar, avec la pièce Moon Queen sur l'album Wells Vagina. On rappelle le lancement qui a lieu bientôt, François. Oui, tout à fait. Le samedi 19 mars, aux alentours de 20h, et ça se déroule au Centre Culture, au Centre culturel Pauline Julien, au 150 Refusé, ici à Trois-Rivières, secteur Cap de la Madeleine. Donc, ouais. C'est le premier vrai show de Bio Bazar avec des musiciens. Perforation. Ils vont trouver des feuilles. On dirait que je sais pas comment. Performance. C'est ça. C'est dur. Hein? Oui. Oui. Performance avec des musiciens. Donc, ça va être très, très bon. Samedi 19 mars, be there. Be there or die. C'est ça. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 9h. Maintenant, c'est le moment de parler avec Émilie Gauthier. Voici sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Bonjour Émilie Gauthier. Allô. Veux-tu sortir avec moi? C'est ta chronique hebdomadaire où tu me présentes des endroits où sortir. Et là, cette semaine, ben, ça donne bien parce que c'est la semaine de relâche. Donc, c'est pas mal le moment là, pour sortir, non? Ouais. Avec une météo comme aujourd'hui, si quelqu'un décide de pas mettre le pied dehors, je mets mon pied dans les fesses. Je vais me protéger. Non, mais il fait tellement beau. Il fait gros soleil. C'est le fun. Ouais. Contrairement à hier. Ouais, hein, hier, on a-tu... Pour la dernière de février, ouais. On dirait que je m'en serais passé. Ouais. J'ai beaucoup apprécié mon lift hier, jusqu'à chez nous. Ben, à partir de 4h30, il n'y a comme plus rien. Mais c'est dommage, tout le monde était sur le chemin avant 4h30. Ouais. Ouais. Donc, pour ceux qui sont pas en relâche, j'ai quand même essayé de trouver des endroits proches, accessibles, parce qu'ils vont avoir le goût de sortir dehors. Pour ceux qui ne savent pas, le défi 5-30 commence aujourd'hui. Donc, il y en a peut-être aussi qui cherchent des endroits où aller prendre une marche d'une demi-heure, une heure. Ouais, donc, pour être en santé. Oui. 5-30, oui. Tu veux-tu rappeler le concept? C'est manger... 5 portions de fruits et légumes par jour, puis 30 minutes d'exercice. C'est au moins 5 jours par semaine, mais idéalement, on le fait à tous les jours. Là. La fin de semaine, on fait pas, je le fais plus. Là. Bon. Éditorial ici. Oui. Pas le droit d'avoir du fun. Non. Ah, mais c'est le fun! Ah oui, oui, oui, c'est le fun, excuse-moi. Oui. On n'a pas la même définition de fun. Non, c'est non. Ça. Ouais. J'ai quand même dénché une liste d'endroits gratuits en plus, donc c'est le fun pour le budget. Mm-hmm. Le premier parc de lance du port, je pense qu'on travaille à Trois-Rivières, Nicolet, c'est quand même très accessible. Là. C'est sur les rives du Saint-Laurent. C'est un petit parcours de deux passerelles surélevées qui passent au-dessus d'une zone inondable. Donc, autant printemps, été ou automne, ça fait quand même une végétation intéressante. Au bout, il se trouve une tour d'observation de 12,3 mètres. Donc, ça a vraiment une vue magnifique sur le lac Saint-Pierre, le fleuve Saint-Laurent. Il y a aussi des panneaux qui décrivent un peu les écosystèmes du territoire le long des passerelles. C'est un petit site d'environ 1,5 km qui s'adresse aux marcheurs et aux amateurs de raquettes, parce que la raquette, on peut la pratiquer sur le territoire, là, à l'extérieur des passerelles quand c'est gelé, idéalement, parce que sinon c'est un peu boiteux. Quoique la raquette pourrait être pratique aussi en milieu boiteux, mais bon. C'est ouvert en tout temps, c'est gratuit. C'est environ 10 minutes du pont La Violette, donc je dis quoi, 20 minutes à peu près de l'université. Ouais, c'est vraiment pas loin. www.ville.nicolet.qc.ca pour en savoir un peu plus. Pour y être allé plus d'une fois, là, un coup, t'es rendu en haut de la tour, tu t'assois sur le banc, puis tu fais juste regarder tellement que c'est beau. Là, ah, c'est ça vaut la peine? Ben, pour ceux qui aiment moindrement les paysages, il n'y a pas des montagnes, il n'y a pas des cascades, là, mais ça offre quand même une belle vue. J'y ai plus été été-automne, mais tu vois comme les courants d'eau. Je trouve ça beau. Moi, ça a l'air bien. Ça relaxe là, avec le petit vent. C'était très relaxant. On continue avec le parc de la rivière Gentilly maintenant. Oui, c'est un parc qui va longer, au lieu du Saint-Laurent, va longer la rivière Gentilly et s'étend sur trois secteurs qui se décomposent en plusieurs petits sentiers. La plupart du terrain se trouve dans un secteur où est-ce qu'il y a des chutes. Donc, même en hiver, des petites chutes gelées, ça fait des beaux petits décors, des belles petites photos. C'est beau. C'est cute. En tout, il y a environ 15 km de sentier pour les amateurs de raquettes, 2,7 km pour ceux qui marchent beaucoup. C'est sûr que là, ça dépend aussi de la neige qu'il y a. Comme s'il a neigé comme hier, c'est sûr qu'on y va plus vers la raquette. Mais si ça fait deux semaines qu'il n'y a pas neigé, c'est les sentiers qui sont pour les amateurs de raquettes peuvent être aussi accessibles à quelqu'un qui a des bonnes bottes. Donc, moi, je vois ce qu'ils disent des sentiers pour la raquette parce que c'est des sentiers qui ne sont pas entretenus. Donc, il faut avoir minimum une bonne paire de raquettes pour pas caler trop. Ceux qui sont pour les amateurs de marche vont avoir un petit coup de pelle qui a passé ou quelque chose. Oui, au moins. Il y a une partie du territoire qui est accessible aussi aux raquetteurs en hors-piste. Donc, encore là, à moins qu'il n'y ait pas neigé depuis longtemps. C'est ouvert tout l'hiver, toute la journée. C'est gratuit. C'est environ 30-35 minutes de l'université. Et on peut se rendre au www.rivièregentilly.com pour obtenir plus d'informations. On continue avec le parc linéaire, le petit Chaillon, le petit Déchaillon, barre oblique Paris-Ville. Le petit Déchaillon, barre oblique Paris-Ville. Parce que le petit Déchaillon, c'était un petit train avant qui transportait le bois de la seigneurie avec son système ferroviaire vers la ville de Paris-Ville. C'est pour ça que ça s'appelle. D'accord. Donc, le sentier débute à la vieille gare de Paris-Ville, emprunte l'ancienne voie ferroviaire. Puis d'un côté, il y a un décor, une petite prairie, et de l'autre côté, une forêt mixte. Et on finit par traverser une petite rivière, on croise des érablières. Donc, c'est assez varié comme décor. C'est ça. Autant qu'on peut être dans le bois, qu'on peut être plus dans la prairie, c'est ça. C'est environ 3,5 km de sentier qui s'adresse aux amateurs de raquettes en plus du hors-piste qui est accessible sur tout le territoire. C'est ouvert tout l'hiver, du lever au coucher du soleil, c'est gratuit. C'est environ 45 minutes d'université. On peut se rendre au www.municipalité.parisville.qc.ca. Oui, c'est des lettres, c'est beaucoup de lettres. Ça commence à faire beaucoup. Le lien va être évidemment sur tes notes dans ton article sur assemblagerequis.com. C'est pas mal plus simple à retenir. Il nous en reste deux. Le suivant, c'est le parc de la rivière Bourbon. Oui, c'est un parc qui est situé en plein centre-ville qui est entouré... J'ai oublié d'écrire centre-ville de où, hein? Je m'en souviens plus. OK. Qui est entouré par un boisé mixte. On peut circuler sur les deux rives de la rivière qui sont reliées par des passerelles. Le parc est divisé en trois secteurs. On peut apercevoir l'île Louis-Philippe Hébert, le carrefour de l'érable, le barrage Paul-Bertrand et une chute qui ne gèle pas. Ah, elle bouge assez pour ne pas geler. Ben, ça a l'air que c'est ça qui était écrit. Est-ce que c'est Plessisville, ton centre-ville? Je pense que oui. C'est ça. Plessisville? Ah, ben oui, hein, dans mon lien, c'est ville.plessisville. C'est ça. Est-ce que, François, est-ce qu'on dit Plessisville, Plessisville? Plessisville? Plessisville, d'accord. Je pense pas. J'étais pas certain. Moi non plus. Ouais. En tout cas, c'est en centre-ville de Plessisville. Ben. Ça fait pas mal de villes. Plestown. Plestown. C'est environ 2 km de sentier pour les amateurs de raquettes, ainsi que leur piste qui est accessible sur tout le territoire. C'est ouvert jusqu'à la mi-mars, donc on se dépêche. Du lever au coucher du soleil, c'est gratuit. Tout dépendamment d'où est-ce qu'on est, là, c'est environ 50 minutes de Trois-Rivières. Et on peut se rendre au www.ville.plessisville.qc.ca pour s'informer davantage. Oui. Il nous reste le boisé du séminaire pour terminer. Oui, ça aussi, c'est encore tout près. Là. C'est pas bien, bien plus loin que la halte de Nicolet que je parlais, parce que c'est encore à Nicolet, évidemment. L'aménagement des sentiers a débuté en 1973. Donc, il y a des vestiges aussi des anciens sentiers. Il y a deux étangs qui ont été aménagés avec des petits ponts pour les traverser. On peut voir des vestiges de statues qui ont déjà été présentes sur le terrain du séminaire. C'est un tout petit sentier, là, c'est environ 1,5 km pour les amateurs de raquettes et de marches, tout ouvert tout l'hiver du lever au coucher du soleil. C'est situé tout près de la grosse cathédrale de Nicolet. Là, quand on arrive dans le parking, dans le stationnement de la cathédrale, là, on voit l'entrée là, au bout, il y a un petit boisé, puis on voit une barrière là, pour se rendre. Sinon, vous pouvez vous rendre aussi au www.ville.nicolet.qc.ca pour en savoir un peu plus, mais c'est vraiment facile à trouver. Super, super. On rappelle qu'en fin de semaine, 5 et 6 mars, c'est le défi nordique et tu vas y être. Oui, moi je vais être dimanche, le 6. Oui. Je vais être là. Et tu vas nous en parler donc la semaine prochaine. Oui. Voilà. Avec le beau Alex Harvey. Bon. Non, il sera pas là. Ah non! Scoop. Il y a une autre compétition où je sais pas trop. Mon ami est en stage au parc de la Mauricie puis il m'a dit qu'il ne serait pas là. Le père va être là, mais le jeune c'est ne sera pas. C'est pas le père que tu veux voir? Ouais, okay. Non, je m'en fous, là. J'étais vraiment déçu. Scandale. Ah, bon. Oh, mais tu y vas quand même. Ben oui. Ouais. Eh oui. Ça va être plate. Vous avez promis que j'irais, je vais y aller. Trop tard pour retirer. Ben oui. Ben oui. Donc, c'est le défi nordique géoplein air Shawinigan au parc national de la Mauricie, 5-6 mars. Oui. Juste là, là. En fait, oui. Vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas inscrit, de toute façon, vous pouvez y aller juste pour assister aux compétitions. Ça va être quand même des belles journées. Là, y voir de la nourriture sur place, des trucs comme ça. Ou pour voir Émilie. Ou pour me voir. Ce serait le fun. Ah ouais. Merci. Ça. Et pour pas voir Alex Harvey. Et voilà. Il doit être une autre compétition ailleurs si vous voulez aller le voir. C'est ça. T'as c'est encore le temps de changer tes plans pour aller à sa compétition, si tu veux. Je pense que c'est pour Canada. Alberta. Ouais, OK. Outre-mer. Ouais, ouais. Non. Non. Ouais. Tant pis. Tant pis pour lui. Pas grave, plan. Tant pis pour lui. Tant pis pour elle lui. Elle a dit tant pis pour lui. T'es drôle, Amy. J'essaye. Bon, merci. De rien. Bonne journée. À la semaine prochaine. Oui. C'est mardi à 8h. Veux-tu sortir avec moi? Ouais. Ouais. Ouais? Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. OK. On va écouter Vanessa Pariétaire avec une pièce de leur album Canicule et Ours Polaires. C'est leur maxi qui est en téléchargement gratuit sur vanessapariétaire.com. Voici la pièce. Quelle est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis le reflet par hasard? Miroir. Miroir. Le reflet. OK. C'est ça. C'est ça. C'est super long avant de débuter, juste pour vous dire. Fait qu'on peut placoter si on veut. Blablabla. Tu sais, genre. Ah ouais. Ouais. Ah, t'as un peu. Elle est pas si longue que ça, finalement. Bon, ben, salut, là. Salut. C'est tellement bête. On va la repartir. C'est juste bête. Regarder finition construite à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. I'm Non, je sortirai pas dehors. Jamais je ne sortirai dehors. Je suis contre le dehors. Parce que dehors, c'est pour les autres. Je vais me faire botter les fesses. OK. On va assister à ça. Ouais. François, on a un moment excitant pour nous tous. Ouais, tout à fait. On va faire tirer des bonbons ce matin. Des bonbons. Tout ça offert par Allen Candy, la meilleure marque des bonbons sur Terre. Ben oui, voyons hein? Donc. C'est ouais. The best ever! Ouais, ouais. Hey, c'est un sac cadeau qui vaut quand même 50$. Donc, t'es sérieux? 50$ de... Wow! 50$ de bonbons. OK. Je suis impressionné par ce sac de bonbons. Ça va être formidable. Donc, ça va être un retour de la pause. Oui, on revient juste après ça. Et après la pause, là, concours, là, sans rien. On va revenir, là. Juste, on se met pas des fausses promesses, là. Concours, c'est là. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François-Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. C'est toujours assemblage requis au 89 FM, c'est fou. François, disons que c'est le moment attendu depuis au moins 3-4 minutes, là, depuis la dernière fois qu'on t'a parlé. Mathieu, t'aimerais ça gagner ça? Oui, pas mal. Hey, des bons bonbons. Je suis fébrile. Hey, Matt, on vient de trouver Bigfoot, et non pas dans la nature, mais bien dans nos propres studios ici même. C'est fou. D'ailleurs, vous pouvez gagner la chance de gagner un ensemble cadeau d'une valeur de 50$ comprenant les fameux Bigfoot. Des bonbons. Oui. À saveur douce et savoureuse. Une des nombreuses variétés de friandises produites par Allen Candy. Le gagnant va être certainement très populaire auprès de ses amis, de ses membres, de sa famille. Oh oui. Vous pouvez joindre d'ailleurs les 34 000 fans des produits Bigfoot sur la page de fans de Facebook. Facebook.com/BigfootCandy. Profitez des friandises Bigfoot pendant le congé scolaire du mois de mars. Donc, ça se passe maintenant. On prend quoi, là? On prend le... Attends, Bigfoot. Bigfoot fait quoi? 8 pieds? 9 pieds? 9e appel? Non, ça serait trop. Hein. Ouais, on peut dire 2. Le deuxième appel, on a 2 pieds. Ah, 2 pieds? Toi, tu l'as pas mal plus l'affaire côté marketing. Ça paraît que t'as étudié là-dedans. Hein? Oui. J'ai appris ça comme ça. Deuxième appel pendant qu'on écoute Call It Up de Atomic Baobab sur C'est fou, cet assemblage requis. Attends un peu, on rappelle le numéro? 819-376-5183. C'est toi le marketing, j'ai dit. Ouais. 819-376-5183. Béatrice Martin de Cœur de Pirate et Jay Malinowski de Bedouin Sound Clash. C'était la pièce Mission Bells à Assemblage Requis. Il faut le rappeler, hein, c'est qui Armistice? C'est encore nouveau. Fait que, c'est Cœur de Pirate! Au courant. Oui, Cœur de Pirate et son copain. Loverboy. Loverboy. J.W. Non, M. J.M. Il y a un W dans son nom, mais c'est J.M. Malinowski. Malinowski. Malinowski. Oui. François, on doit féliciter notre gagnant pour le concours des bonbons. Ben oui, tout à fait. Bravo. Patricia Plante, mais c'est pas parent avec toi. Non, et c'est pas parent non plus sur notre famille. Non. C'est Plante, parce qu'il y a des parents aussi. Parce qu'il y a eu un Mathieu Parent qui travaillait assez fou, puis je me fais encore des fois appeler Mathieu Parent. Ah ouais? Ça arrive. C'est juste drôle, c'est cocasse. C'est cocasse. C'est cute. Cute comme toi, Mathieu. Donc, félicitations, Patricia Patty. Patty Pat Pat. Non, Patricia Plante. C'est ça, Patricia. Patricia Patty. Patty Pat Pat. Patricia, leur surnom en anglais, c'est Patty. Patty. Tu savais ça? Non. OK. Et ça peut être aussi Pat. Pat. Patty Pat Pat. Patty Pat Plan. Patty Pat Plan. C'est ça. Pat Plan. Pat Plan. Bon. Donc, toujours Assemblage Requis. C'était bon. 2 minutes, ça, à rien dire. Oui. Hey, mais oui, c'est ça. On remercie Patricia. Et puis, on dit que ça va poursuivre cette semaine le concours. Donc, tous les jours. Si, pour ceux qui ont appelé et qui n'ont pas gagné, ils vont pouvoir se reprendre. Et voilà. Merci au Beaumont, Alan. Tout à fait. Et merci à Bigfoot d'exister. Parce qu'il est bon dans notre bouche. Et c'est très bon pour les dentistes. Oh, oh oui. Ah, des fois, à un moment donné, il faut bien se gâter. Hein? Oh, oui, tout à fait. Un petit peu de plaisir dans la vie, ça n'a jamais tué personne. Ou ça a tué beaucoup de monde. Ça a tué beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Ben non, ben, c'est pas Bigfoot qui va vous tuer. Ben non, ben non, ben non. Si on certainement. Doit le dire, parce que sinon, on va se faire dire qu'on n'a pas des bonnes affaires. Alan ne tuera pas personne. Non, il va vous récompenser pour les bonnes actions que vous avez faites durant votre vie. Bien dit. On retourne écouter Sufjan Stevens avec la pièce I Walked et puis on revient après à Assemblage Requis. Ça repasse des choses aujourd'hui, les bonbons. Quand même. On donne des bonbons. C'est quelle autre émission va vous donner des bonbons à 8h40 le matin? Hein? À 8h40? Je ne sais pas. Mais aux alentours de l'heure du dîner. Ah, genre le dîner de con? Sur C'est fou? Oui. Aïe. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Of your love, miss mine. I walked, 'cause you walked. Sufjan Stevens et la pièce I Walked sur l'album The Age of Odds. C'était précédé de Futile Devices, la pièce qui ouvre cet album à Assemblage Requis au 89.1 FM. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Frankie Boy. Comment Mathieu. Mathieu Plenty. Plenty. Mathieu Plenty. Donc, aujourd'hui, il y a des choses à faire ce soir. Ouais. À Trois-Rivières. Tout à fait. Parce que les gens sont en relâche, cherchent des activités à faire. Je suis d'accord avec toi. Bon. Il y a entre autres le match des Bleus contre les Rouges de la Lime ce soir. Oui. C'est vrai. En dernière place du classement de la Lime, les Bleus cherchent à tout prix la victoire lors du prochain match qui a lieu ce soir. Pour l'occasion, ils vont affronter les Rouges qui, eux, cherchent à la tête du classement. Un clash des Titans qu'on promet mardi à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Si vous êtes en relâche, c'est une bonne affaire à faire. Sinon, pour ceux qui aiment la musique, c'est Mars de la Relève! Oui, qui commence cette semaine. Tout à fait. Plein de groupes à aller voir. Ce soir, c'est la soirée anglo en ce 1er mars. On retrouve Endless Night, Bijou. Bijou que j'ai déjà vu en spectacle à un moment donné en première partie d'un groupe autre que j'étais allé voir. Je ne me rappelle pas lequel, mais Sacha Winningham, c'est très bon. Bijou. Et The Tribe, qui est le groupe de Charles-André Lambert. Ah ouais, The Tribe? Oui. OK. Animateur du dîner de con, co-animateur avec Danny Janvier sur l'heure du midi. Donc, le groupe The Tribe, composé de Mighty Mike, Paul Black, Japs, Tom Soy et Cornelius Black, c'est le nom de Charles-André Lambert, en prestation pour la première fois au Gambrinus pour les Mardis de la Relève. Ça coûte 5$ à l'entrée. Soyez présents, c'est au Gambrinus sur Boulevard des Forges. Oui, oui, juste ici, à côté de l'UQTR. Cela, là, c'est là. C'est là, là, c'est là. Par ce, ce côté. Par là. Par là? Là. Par là, là? Là. OK, c'est par là. C'est bon. Des fois, c'est difficile de se situer à la radio. Hein. C'est quand même bon. sinon, ben, c'est aussi la fête d'Ingrid Saint-Pierre aujourd'hui, donc bonne fête. Merci Facebook de nous dire des affaires de même. Hey! Sinon, on l'oublierait. Hein? Ouais. Bon. Voilà. Merci Mathieu. C'est fait. Plein de choses à faire. Le choix est dur. Est-ce que je veux rire? Est-ce que je veux écouter de la musique? Est-ce que je veux découvrir des nouveaux talents? Ou est-ce que je veux découvrir d'autres nouveaux talents, mais qui font rire à la place? Ou est-ce que... Tu sais, le choix est comme... C'est pesant, là. Je pense que pour les amateurs de musique, les mardis de la relève, ça peut être une bonne option. Tout à fait. Et pour les amateurs d'humour, on pourrait continuer à dire longtemps comme ça. Là. C'est comme un choix difficile. Un choix, c'est comme le choix de Sophie, mais en beaucoup moins dramatique et t'as pas à faire tuer tes enfants, t'sais. Donc, t'es heureux, t'sais. Ouais. Parce que ça, c'est un petit peu déprimant, là. Hein? Non. Non. Galaxy. Pisteur. Ça, c'est fou. Elle reste seulement 10 minutes à l'émission, là. Faudrait pas manquer la fin, parce qu'elle pourrait être drôle, la fin. Ou musicale. Ou drôle, ou musicale. Ou barre de pinotte, ou confiture. Qu'est-ce que t'aimes? Les deux. Les deux? Ensemble? Ensemble, oh. Deux. Le ciel est comme...

Yes, et eux, et la pièce Strange Reunion. Ça faisait longtemps que je voulais la faire jouer ici à Assemblage Requis. Et ça, c'est la première fois qu'elle joue sur nos ondes à l'émission matinale. Oui, oui, c'est la première fois que je l'entends. Très bon. Très c'est bon, Yes, et eux. L'album au complet est bon, sauf la première pièce. Ah ouais? Ouais. Je te mettrai ça une autre fois dans mon bloc, mon célèbre bloc récurrent. Qui a eu lieu jusqu'à maintenant une fois depuis le début de la session d'automne, à mon bloc sur la pièce que je saute par-dessus des fois quand j'écoute les CD. Je vous rappelle que tu avais vraiment apprécié le concept de ce bloc-là et tu me disais, mais Mathieu, pourquoi ne répètes-tu pas ce concept une autre fois, un jour? Demain, peut-être. Demain, genre. Demain, c'est une grosse journée, par exemple, parce qu'on reçoit Maxime Lemieux Laramé. Toutes les excuses sont bonnes pour pas faire mon bloc. Hein? C'est ça que tu veux? Tu veux pas qu'on le fasse, mon bloc, hein? Moi, je j'ai rien dit, Mathieu. Mais bon. Fais-moi pas dire des choses que je n'ai pas dit. Restez à l'écoute après l'émission. C'était fou l'émission que j'anime, l'émission qui est rembobine, c'est fou. On a choisi une semaine en 2008 cette fois-ci, donc soyez à l'écoute à 9h. Ensuite, à 11h, c'est le Dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Et puis, en après-midi, une pébêche en mission. Le Voyage insolite. En fait, je suis dans le désordre. Le Voyage insolite, une pébêche en mission. La Spirale, des rediffusions. Si vous avez raté ces émissions, c'est votre chance de vous rattraper. On se retrouve demain matin à 7h, comme tu le disais. Passe une excellente journée. Toi aussi, François. Merci, Mathieu. Puis à demain. À demain. Bye. Bye bye. Finalement, on va rester, je pense, un peu plus longtemps. Il reste comme genre 10 secondes à peine. C'est vraiment pas long. On va patienter ensemble. C'est comme petite musique d'ascenseur, de la Muzak qui appelle. Hey, bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.